Tortoline et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Eh hey, hey, eh hey, bonjour, bienvenue tout le monde. Vous écoutez Tartoli et Arbatax, vous écoutez le 105.4, c'est Radio Panique, la radio qui panique, qui déboîte, atomique. Une radio atomique, voilà, pour des gens atomiques, mon cher Arbatax. Pour des bombes. Mon cher Arbatax, comment vas-tu en ce mardi? Ça va. En ce mardi, je vois que tu ne précises pas la date, tu ne la connais pas. Je ne la connais pas non plus. C'est normal. Seul vous. On a fait la fête hier. Seul toi, auditeur, tu la connais. Et oui. C'est ça qui est génial. En tout cas, petite indication, j'ai un bonnet. Voilà. J'ai un bonnet. Donc, je ne sais pas quand est-ce que cette émission. Deuxième tu indication. Vas l'écouter, mais moi, j'ai un bonnet. Deuxième indication, le bonnet est sur la tête. Oui. Oui. Tu t'es déjà eu un bonnet sur le coude. Ah oui, voilà. Très bien. Ouais. Très bien. Bonnet M, bonnet B. Il devait être tard. écoute, ça va plutôt bien. Toi, auditeur, j'espère que ça va bien. Émission aujourd'hui sans thématique particulière. Je dirais même plutôt freestyle. Freestyle, mais sans les mains, quoi. Quand même une espèce de base qui est nouvelle, quoi. Donc le produit musique sera d'un produit récent, un produit des derniers mois, des deux derniers mois. Voilà. Il y aura beaucoup de nouveautés. Voilà. Toujours est-il qu'il y aura beaucoup de nouveautés. Il y aura une nouvelle rubrique qu'on appelle la rubrique remix. Ah ouais, d'accord. Pas voilà. Besoin d'expliquer non plus. C'est ça qui est bien. Voilà, ça sera un remix des remix qui nous ont plu ces derniers temps. Ouais, et de morceaux vieux ou pas vieux, mais que vous connaissez. En gros, c'est les remix. C'est pas des remix de remix là, super underground de je sais pas d'où, de Détroit ou de Chicago. Non, c'est des grosses bombes de tunes. Dans une version nouvelle, quoi, acoustiquement nouvelle, ou instrumentalement, ou nouvelle. Voilà. Donc ça, c'est le petit remix, quoi. Il y aura également une petite chronique que certains affectionnent. Bon. Enfin, certains n'affectionnent d'ailleurs que ça. Que ça. C'est ce que j'allais dire. Il y en a qui n'écoutent que celle-là. Bah, c'est notre petit. Je me souviens bien le week-end dernier, je rencontre quelqu'un, machin, Tortoli, Arbatax et tout, et le gars il me dit ah l'expression de la semaine et tout. Ah, alors t'as gagné, t'as pas gagné. C'est quoi en ce moment? Alors moi, bah ouais. Moi je lui ai répondu. Je lui ai répondu ferme-la, ferme-la. Et voilà, ça a coupé court à toute discussion. Donc voilà. Bon. C'est une façon de briller en société ou c'est de ne pas briller. Dans la vie comme à la radio, le principe c'est que toi tu parles mais les autres ne te parlent pas. Bah. C'est ça qui est bien. Toi, voilà. La radio te correspond bien, toi. Ouais, c'est vrai. Pas physiquement, mais reste oui. Écoute-moi, mais me parle pas. Écoute, voilà. Fais comme à la radio. Et t'as qu'à imaginer que là t'es à la radio, tu me parles pas. T'es peut-être dans ta petite voiture, t'es peut-être en train de prendre un bain, que sais-je. Toujours est-il que tu écoutes Tortoli et Arbatax, et comme dans toutes les émissions de Tortoli et Arbatax. C'est ce que j'allais dire, il est l'heure du générique. Il y a un générique. Commençons cette émission, enfin. Je suis chaud. On est deux, on est trois. Là, on va être plutôt 5, c'est-à-dire qu'en fait on est nous deux et il va y avoir trio, c'est-à-dire trio pas avec le Y, pas les Français, oh trio, groupe allemand, des années 80, ils ont été formés en 80, ils ont été disloqués en 85, ça a duré 5 ans, le morceau doit dater de 83, ça s'appelle Da Da Da, et en fait c'est tiré d'une mélodie qu'un synthétiseur faisait en allemand, c'était la mélodie disons de base, qui était donnée avec. La mélodie de Daz. Voilà. Da, et ils l'ont détourné, voilà. C'est un morceau que tu connais bien, ça s'appelle Da, Da, Da. Toi aussi, tu peux taper dans tes mains, tu peux jouer avec le petit canard qui est dans ta baignoire, et tu peux faire Da, Da, Da. Oui, c'est en allemand, je l'ai dit. Ich liebe dich, nur das, was du verstehst. This is what you got to know. Love you though it didn't show. Da, da, da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Those old things ist es zu spät, aha. Und du meinst, dass nichts mehr geht, aha. Und die Sonne wandert schnell, aha. After all is said and done, it was right for you to run. Da, da, da. Tortoli. Je suis pas mongolien, je suis sourd, il peut rien. Et ça te fait pas de la peine? C'est possible, mais toutes les télés ont parlé de cette histoire. Et je ne suis pas tout seul. Ah, vous êtes plusieurs? Deux. C'est un début. Je m'appelle Barbatax. Je fais partie du FBI. Comme par hasard. Je suis quand même pas plus con que tous ces imbéciles. Nous sommes Tortoli et Barbatax. Faites des piques assiettes du pouvoir. Qui vous a dit ça? Et quand vous l'aurez plus ce pouvoir, vous savez où vous allez vous retrouver? Dans la merde, c'est votre élément la merde. Je ne sais même pas ce que c'est! C'est des mouches à merde! Et maintenant, un petit peu de musique. Musique. Musique. Musique. Musique. Musique. Musique. Un petit peu de musique avec Tortoli et Barbatax sur Radio Panique, le 105.4 FM. Ce générique qui a été finement décortiqué et choisi par Barbatax. Trio. Da. Da. Da. Voilà. J'étais pas sûr du dernier. Non, merci. C'est trois fois da. Trois fois da. Voilà. Ça veut dire oui en russe. C'est pas ton surnom toi? Da da da. Da da da. Ouais, exactement. dans certains quartiers, on m'appelle comme ça. Mes frères m'appellent comme ça. Mes refrains. Mes frères Bogdanov. toi, tu fais référence à l'émission Science. Oh, c'était il y a déjà longtemps ça. Mais qui est podcastable et réécoutable. Oui. C'était le 6 mars. C'était le 6 mars, ouais, elle est dans les archives déjà. Elle est largement. Elle fait déjà, ouais, elle est déjà en train de prendre la poussière celle-là. Ne parlons pas du passé, parlons du présent. Aujourd'hui, émission sans les mains. On lâche le guidon. Tranquille. On a gardé les petites roulettes derrière quand même. Histoire de. Moi, je suis encore un peu limite. Reste un peu stable. Je suis encore un peu limite. Mais donc, un peu freestyle quand même aujourd'hui. Et mais il y a quand même un fil directeur là, pour le coup, tout de suite, là, qui va être utilisé dès maintenant. C'est l'Allemagne. On était avec le groupe Trio. Et ben, actualité oblige. En Allemagne, il y a les marionnettes qui se réveillent. Ah. Ouais. Il y a les marionnettes sont de retour en Allemagne. Certains auront compris de quoi je parle. Les autres n'auront qu'écouter Tortoli maintenant. Qui va leur expliquer. Très bien, parce que moi non plus, j'étais pas sûr d'avoir compris. Ah bah. Mais tu m'as laissé quelques secondes de répit, quelques secondes qui m'ont permis d'avoir l'information. Le groupe Puppet Masters, les marionnettes venues du sud allemand. D'outre-Rhin, voilà. D'outre-Rhin. Ah, sud-Allemagne. Je sais pas, j'aurais voulu dire nord, c'était pareil. Il y en a bien une qui vient du sud, je pense. Ouais, il y a un mec qui a un accent du sud un peu. Ouais. Sud-allemand. Bavarois, ouais, un peu. Un peu limite, Franck Ribéry et tout. Ouais, limite Autriche, je crois. Limite. Ah. Toujours est-il que Puppet Masters. Faudra que je check. tu vérifieras. Enfin, tu répliques check. Ouais, c'est juste à côté. Bon. Enfin, bref. Pas mal. Ils sortent un nouvel album le 26 mars 2012. C'est passé, c'est pas passé, on ne sait pas. On ne sait pas. Vraiment, c'est une émission fantôme, c'est une émission qui n'a pas de pas d'accroche. Pas d'accroche temporelle. Non, au niveau du calendrier, nous ne sommes nulle part là. On n'est pas là. Toujours est-il que le nouvel album de Puppet Masters s'appelle Revolve and Step Up. Qu'on traduirait par. Non, je te fais un signe là, ça veut dire non, je sais pas ce que c'est. Il l'a pas. Revolve. Alors, on va peut-être essayer avec le nom de la chanson Inner Self Respect. Respect. du propre respect, je sais pas. Inner de l'intérieur, je sais pas. Respect yourself, je sais pas. On va, ouais, un l'amour propre, je sais pas, un truc comme ça, un truc de respect, respect en soi-même. Respecte-toi toi-même, voilà, avant de respecter les autres. C'est ça. C'était peut-être ça le message de Puppet Mastage. Bah, on va voir, on va le découvrir. Toujours est-il que le 11 avril, ils sont où ils étaient, puisqu'il n'y a pas d'accroche temporelle dans cette émission. ils sont en concert au VK à Bruxelles. S'il existe encore, ça, on verra bien. Toujours est-il que vous pouvez vous renseigner pour avoir des places. Et si le concert est passé, eh bien, vous pourrez toujours aller les voir. Le regretter. Je ne sais où. Vous aurez tout le loisir de regretter de ne pas y être allé. En tout cas, bah, c'est bien simple. Puppet Mastage, dans un premier temps, ça fait plaisir parce qu'ils nous avaient quand même lâché quelques albums dans les dernières années qui étaient quand même plutôt bien ficelés. Bien léchés. En parlant de marionnettes. Et, toujours. Et Buzz Driver, juste après Tortolissa, par contre, c'est un choix qui t'est propre. Hein, c'est un choix qui m'est propre. Bah, qu'est-ce qui se passe du côté en de... En ces périodes d'élection, je me devais être tranché. Ouais, je me devais être tranché. L'ami Buzz Driver, de son vrai nom, Regan Farquhar, C'est un MC qu'on avait notamment vu il y a peu de temps à Bruxelles l'année Botanique, dernière. Botanique, il passait. Bah, tu sais avec qui il passait? Il passait avec le mec des Puppet Mastaz. Le mec des Puppet Mastaz qui s'appelait. On va retrouver ça, y'a pas de problème. Alec quelque chose. Sûrement. Toujours est-il que Buzz Driver est lui aussi en concert, mais attention, la exclusivité mondiale, je vous la délivre comme ceci. Il est en concert au Bar du Matin et c'est free et c'est le 5 avril. Ah d'accord, donc on remonte dans le temps. Alors on remonte dans le temps, on y est. D'accord, donc voilà, Buzz Driver le 5 avril au Bar du Matin, métro Albert. Exact, c'est pour exact. Les gens qui connaissent tout à fait. Un peu. C'est Saint-Gilles mais... Tout en haut. Au-dessus c'est le soleil. Au-dessus c'est la forêt. Voilà. Toujours est-il que Buzz Driver, le nouvel album est sorti au mois de mars. Il s'appelle Boss Heroes et là le titre s'appellera Bon Bon Fire. Je pense qu'on en a déjà dit assez. Oui, voilà. Pas de traduction, on laisse tout ça une libre interprétation. On va passer au son. Il n'y a plus qu'à écouter. On se rejoint juste après. Comme on l'a dit, l'expression de la semaine qui arrive. Inner self, respect, Puppet Mastaz. Mets-toi bien. C'est le 105.4. I got something to do for tomorrow, but my head is screwed up on my pillow. Me never know what next week, no. Control the future from the day I left the room. Hear the rising sun's coming up. Who overstand what them talking? When them chat about bling, I be ching them hunger. One the highest ranking. What are we waiting for? Me stepping through the door. We are going to storm. We running out of norm. World is turning. Life a long thing. Today me walk. Next day we flying. What are we waiting for? We stepping through the door. We are going to the storm. We running out of norm. Hear the rising sun is coming. Them hunger. One the highest ranking. And girl, here you walk. Here we look waiting for. parce qu'on n'a rien à faire. On est là pour qui? Pour Tortoli et Arbatax. On est là pour quoi? Je n'osais pas te le demander. Alors? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est Radio Panique. Bon bonfire, bon bonfire, bon bonfire, bon bonfire, bon bonfire, bon bonfire, bon bonfire, bon bonfire, bon bonfire, bon bonfire, bon bonfire, bon bonfire, bon bonfire, bon bonfire, bon bonfire. Come on, dude. We make girls laugh louder. They're begging for the clam chowder, cause I fit the shoes. You eat prison food. I got interviews with Matt Lauer. I catch a plane in half an hour, so I can't stay at the after hours. I say goodnight. I'm in demand, cause I lay good pipe and I'm in the band. I don't fall with huge budgets. What I do gets news coverage at South By. You blew hundreds, but I ate like I had two stomachs to get the paper under the table. I charge niggas like jumper cables or write dope. So I sell no pads when the game's rough. Get elbow pads or kick rocks. Get a yellow cab, I'm out the door. Toodaloo, when you're hot, they will Google you. And crowds roar through the roof for saying bomb on fire, bomb on fire. Bomb on fire, bomb on fire. Bomb on fire, bomb on fire. Y'all better get your pom-poms higher like to mention, the game suffers from hypertension. I forgot to mention, you ain't come on now. You read blogs, recycle cans, I screen calls, recycle fans, cause I appeal to folks that you can't, but acting awkward like you grand. My lady friends removed their pants, your apartment a dude ranch, and I didn't get no huge advance. I taught music camp for food stamps and bomb on fire, bomb on fire, bomb on fire, bomb on fire, bomb on fire, bomb on fire. Y'all hoes get your pom pom's hard like ooh, do, do, do, do, do. Me actors who read scripts. I came up as a gaffer, a key grip, but stayed on the dean's list. I know one's supposed to be shit. Anyway, your main squeeze is a hideous fool. A slum of like every city is cool. Southern Belle, dumb as hell, but my mind is an infinity pool. Your oligarchy, you sponsor parties. I'm on the marquee in rare form. Every word I say gets an air horn. Y'all just keeping my chair warm. Talk about bomb on fire, bomb on fire, bomb on fire, bomb on fire, bomb on fire, bomb on fire. Motherfucking fire hazard. They be going crazy for me. And this is what they sound like. Here they go. Bomb on fire, homie, you caught in the crossfire. Bomb on fire, bomb on fire, bomb on fire, bomb on fire, bomb on fire, bomb on fire, bomb on fire. Ah, ça fait rigoler. C'était Buzz Driver. Plus ou moins en direct de Radio Panique chez Tortoli et Arbatax. Exactement. C'était voilà. Donc le titre Bomb on fire. Bam bam fire et vous retrouvez Buzz Driver. Allez-y parce qu'en plus c'est Buzz gratuit. Buzz Driver. Buzz Driver au bar du matin le 5 avril. Mais c'est peut-être déjà passé. Tu me l'apprends. C'est peut-être déjà passé, bande de pifs. Émission freestyle. Par contre, tout ne part pas en freestyle dans cette émission. Il y a des choses qui restent. Qui restent. Notamment cette petite chronique, l'expression de la semaine. Pas de résultat de la semaine dernière, hein, puisqu'il n'y avait pas de semaine dernière. Là, c'est l'an zéro. Non, c'est, voilà, c'est Before Christ, après, enfin bref. Tout ça, non. Pas de, on ne peut pas le savoir. Cette émission n'a pas de. Nous ne sommes pas dans le même calendrier que vous. Il n'y a pas de. Là, on est nulle part. Expression de la semaine, concept. Ah bah bien, bien les lunettes. je la reconnais celle-là. Voilà. Tu veux rappeler le concept? Le concept, oui, bah, le concept c'est simple. On triture un petit peu, on bidouille avec la langue française, on chope des trucs de droite, de gauche, et ça fait des expressions. On essaie qu'elles soient marrantes. Bon, je te le rappelle, hein, parce que c'est le concept à la base. Tantôt on a dit qu'il fallait que ce soit marrant, mais j'ai remarqué qu'il y a une petite baisse du rigolomètre. J'ai l'impression que t'es pas au courant des scores de la semaine dernière. Bon, non, c'est de la semaine dernière, non, mais c'est pas sous une semaine qu'on calcule une réputation. Ça doit faire longtemps que t'as pas écouté l'émission. Je l'écoute jamais, on va dire. Ah, tu l'écoutes jamais. Tu l'as quand on me dit, ah, Tortellin va taxer machin, je dis, ouais, je sais pas, j'écoute pas. Mais oui, j'écoute pas. Je m'en fous. C'est donc ton expression de la semaine. Je m'en fous. De tout, de ces gestes, de ces chaînes qui pendent à nos coups. Voilà, ça je l'ai. Expression de la semaine, tranquille. Celle-là, c'est une que j'utilise souvent. Elle est toute bien. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'elle avait elle a chuté un petit peu en termes d'utilisation ces dernières années. Enfin, je la vois moins. Depuis que t'es né dans les années 70, oui, effectivement, ça a dû chuter. Non, mais voilà, c'est quand tu dis voilà que tu vas faire quelque chose maison, tu vois, tu vas le faire à ta façon, bah c'est façon quoi, c'est façon. Façon, c'est façon. Façon. Ouais, façon. Je vais te la faire façon quoi. Ça veut dire je vais te la faire à ma sauce. Mais c'était juste le façon. Moi, je l'aimais bien celui-là, et j'ai repéré que je l'avais un petit peu oublié. T'es un petit peu déçu. Il y a pas mal de gens qui l'avaient oublié, et je le ressors. Voilà. J'aimerais bien que ça se relance dans les cours de récré. Voilà, ouais. Pas que dans les cours de récré, dans les cafétérias, dans les couloirs des entreprises, dans les administrations. Façon, quoi. Façon. Pas mal. Ouais. Mais dans les administrations, ils peuvent pas trop le faire, parce que si t'arrives, tu demandes un formulaire dont t'as besoin et tout, et le mec te dit, je vais te le faire façon. Non, c'est pas très sérieux. Mais nous, par exemple, cette émission, on peut la faire façon. De toute façon, elle est façon. Elle est façon. Façon, dans toutes les façons. Donc, faisons façon. Enfin, voilà. Moi, pour moi, c'est façon, quoi. Un peu une expression façon Mylène Farmer. Sans contrefaçon. Sans contrefaçon, voilà. C'est, voilà, très, très bien. Tu me fais rebondir. Je te laisse la parole. Tu me laisses rebondir? Eh bien, je t'en remercie. Puisque mon expression est la suivante. Et, plutôt, mon expression est une monstre expression, devrais-je dire. Ah, puisque l'expression bien. Est placée monstre. Comme qualificatif, comme adjectif. Comme le monstre du Loch Ness. Voilà. Non, comme une. Tu vois, là, l'émission qu'on est en train de faire, on fait une monstre émission. D'accord, Je vais m'expliquer. Cette expression est largement usitée outre-Rhône. D'accord. Alors, c'est-à-dire, il y a quelques mois, j'étais en Suisse et il se trouve que ça parle beaucoup de monstres. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, tu peux qualifier ta chemise de monstre. Oh, ça va, je te remercie. Tu vois, t'as mis une monstre chemise. Mais dans le sens péjoratif. Non, c'est pour dire, c'est vraiment, c'est génial. T'as un monstre bonnet, c'est une monstre émission. Les sons qu'on s'est entendus avant, c'était des monstres sons. C'est pas si bête, parce que moi, tu vois, dans mon quartier, les mecs, ils disent une bête d'émission. Voilà. Donc bête, monstre, finalement. Finalement, tout se rejoint, les Suisses gars. Sont pas si bêtes. Bah non, ni lents. Non. Ni monstrueux, enfin moi pas du tout. Pas du tout. D'accord, donc c'est monstre. Mais donc c'est pas d'accord, c'était pas le Loch Ness en fait, c'était le lac Léman. C'est ouais. C'était le monstre d'un autre lac. Avec le gros jet immense qui sort de. Ouais. Qui sort du lac Léman au niveau de Genève. Enfin, le reste. Gros jet. Je veux pas savoir. Voilà. Il y a une ville à côté d'ailleurs qui s'appelle Gex. Gex. Exact. Ouais. D'ailleurs, oui. On en place une pour tous les mecs de Gex qui doivent écouter leur monstre émission. Ah, ça fait plaisir. Dans leur monstre voiture. Est-ce qu'on nous écoute en Suisse? On a des chiffres là-dessus. On a demandé à des instituts de sondage. C'est un peu. Quatre. Ils sont quatre. Ils sont quatre. Quatre Suisses. Quatre. D'accord. Okay. Quatre petits. Des petits Suisses, mais oui, bien sûr. Ouais. Tu pouvais pas t'en sortir comme ça. Ça marche, ça marche. Bon. Tu me suis. Non, là, là, je peux plus. T'as compris autre chose? Bah, non, oui, tu me suis d'abord. Non. Ah, pardon. Non, mais tu me suis dans le prolongement de l'événement. Ouais, voilà. Ça marche. Et ben, dans le prolongement de l'expression de la semaine, puisque celle-là est d'ores et déjà clôturée, on ne peut plus revenir dessus. C'est monstre contre façon. Tu n'as failli pas te souvenir de ton expression. Si, c'est bon, je l'ai parlé. De toute façon, elle est notée en gras sur ma main. Ouais, tout de suite à venir, par contre, du gras aussi. Hein. du gras, c'est du monstre gras. C'est le retour. Oui. Bah c'est Gorillaz en fait. Ah ça c'est. C'est aussi, c'est pas un monstre ça Gorillaz non. C'est pas un monstre mais c'est un peu dans l'imaginaire du monstre et il se trouve que ce titre n'est pas seulement de Gorillaz et avec Gorillaz, elle est aussi avec André 3000 qui était dans 3000. Outcast. Oui, bien sûr. On dit peut-être pas André 3000 en américain. Je... 3000. Ok, merci. Et elle est également avec le chanteur de LCD Sound System, James Murphy. Exactement. Voilà, et le titre s'appelle Do Ya Things. C'est bien ou pas c'est comme morceau. C'est pas mal. C'est pas mal. Super. Bon, après, l'idée de base du truc, c'est. Un peu commercial, c'est, hein. C'est un peu crado. Hein c'est une idée de. C'était commandé. C'était... Ouais, c'est une histoire de basket. D'accord. En toile. En toile, qui commence par con et finit par verse. Et ouais. Donc, c'était une commande. Et donc, Gorilla, James Murphy et André 3000 s'y sont collés. Et ils nous ont pondu un morceau et surtout un clip, parce que c'est surtout dans les clips qu'on voit. Les balles basket. D'où là, ouais, évidemment, parce que à moins qu'ils aient mis Converse partout dans le refrain, mais je pense pas que. Non. C'est pas j'ai vérifié. Et non. Ça va. Donc ça passe. C'est super. Voilà. Donc ça, c'est une monstre. Donc on met pas le clip alors. Hein. Non, on va pas mettre. Non, le clip. On met pas le clip. Voilà. Bah vous avez Do Ya Things de Gorillaz, André 3000. Et après on a du reggae Rital featuring General Levy. Ah carrément Rital. Bah comme quoi tu vois, des Converse à la botte. Il n'y a qu'un pas. Elle est bonne. Every time we try, we get nowhere. Désiré et Bernard Minet. Jason Derulo. Marc Dutroux. Et Loana. Beau monde. Ils ont tous répondu oui à une interview exclusive sur Tortoli et Arbatax. Direct depuis New York City. Tes artistes préférés seront là. En live. Rien que pour toi. Les plus grands DJ en set exclusif. C'est surtout du hit. Toi petit chat, chat, chat, chapeau de paille. Hit. Petit poney. Tu es tout gris, tout petit, petit poney, petit poney. Hit. Je me sens définitivement comme une bombe à triste. Définitivement. Radio Panique, Radio Panique. Hit music only. Hey yo. Hey yo. Et voilà, on s'est écouté une bonne tuerie quand même, Mendoza et Yes Sound featuring General Levy. General Levy qui était en concert, souviens-toi. Au Culture Café, c'était un samedi, il était tard, et, il faisait froid, c'était le 3 mars. Exactement. Et c'était 13 euros bordel. Non mais il n'y a pas de problème, je veux dire, c'est, moi je dis ça comme ça pour l'info, c'est pas, il n'y a pas de rancune. et juste avant donc, retour de Gorillaz et de... Et de, en featuring avec André 3000 et l'amigo dont j'ai oublié le nom de LCD Sound System. James Murphy. C'est ça. C'est pour ça que je l'ai pas dit parce que je voulais te laisser le ah, dire. Ah d'accord. C'est pour ça. Bon, maintenant on se fait des fois, politesses. Je dis, ouais, enfin voilà, c'est exactement ça. Remix, remisme, c'est la nouvelle chronique des remix. Je ne sais pas si tu as entendu le deuxième jingle qui est venu derrière. C'est un jingle qui annonçait une nouvelle chronique. Ah oui, c'est vrai. À savoir la chronique du remix. C'est vrai que j'y ai pas trop prêté l'oreille. Est-ce que... Mais il est pas mal quand même ce jingle. Est-ce que si tu ne me prêtes pas l'oreille, pourrais-tu me prêter ta langue pour en parler? Pas de souci, pas de souci, parlons-en. Quid de cette chronique remix? Bah rien du tout. Ce qu'on pourrait faire, d'ailleurs je suis en train de penser ça, c'est qu'on pourrait ne pas annoncer le morceau original. Ouais, et laisser deviner. Et voilà, et laisser le plaisir de deviner, mais c'est pas très compliqué. Hein. On l'a dit, les morceaux sont connus. Ils ont juste été refaits par d'autres artistes dans d'autres versions. On va pas annoncer le morceau original. Le premier que vous allez entendre là, c'est Monty Alexander. Monty Alexander, exactement, le jazzman, voilà. Qui est passé à Gand il y a assez peu de temps. Ah ouais. Excellent. Et donc voilà. Un petit maître du piano, bah voilà, sur un des albums, un il classique s'est fait reggae. Il a fait tout un album en reprenant un artiste. Voilà, on peut pas dire de la Jamaïque comme lui, puisque Monty Alexander est jamaïcain. Un artiste plus ou moins connu de la scène jamaïcaine. Voilà, donc la scène jamaïcaine. Il reprend, bah voilà, ouais, tout à fait, un morceau culte de l'histoire du reggae, donc plutôt basé sur le piano, instrument de prédilection, Monty Alexander, et puis juste derrière, ce sera The Bombist, voilà, qui sont en fait deux DJ français, Bost and Beam, voilà, qui ont l'habitude de faire des compiles qui s'appellent Yankee The Yard. Ils en sont volume 3 ou 4 déjà. Et dans l'une de ces compiles, on trouve ce morceau. Est-ce sur le morceau Movie Redeem. Le morceau, non, je le dis pas. Bien vu. C'est super, c'est une monstre annonce. Voilà, exactement, t'as vu. On se la fait façon. Bah, pas facile d'expliquer des remixes sans parler de l'original, hein. Je pense qu'il faut peut-être envoyer les morceaux direct. Je pense. On se met un petit Monty Alexander suivi de The Bombist. Voilà. C'est deux remixes pour le prix d'un. C'est cadeau. C'est gagné, les gars. C'est façon. Tortoli Arbatax. Oh, je l'ai déjà. Tu l'as, toi, Tortoli? Je l'avais aux premières touches. N'importe quoi. C'est pas possible. Thank you. Tortoli et Arbatax. Tortoli et Arbatax. Glorifie la loi du plus fort. Radio Panique présente. Tortoli. Bam, lam, whoa. Arbatax. Bam, lam, like Betty had a child. Bam, lam, the damn thing gone wild. Bam, lam, said a word, not a mind. Bam, lam, the damn thing gone blind. Bam, lam, said, oh, Black Betty. Bam, lam, whoa, Black Betty. Bam, lam. Tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Ah, mais c'était donc ça. C'était donc ça, c'était donc cette petite parenthèse et remix, reprise. Tout ça dans votre bien chère et tendre émission Tortoli et Arbatax. Oui, on vous aime. Qui, qui vous accompagne chaque mardi si vous nous écoutez en direct de 17h à 18h, mais qui peut également vous accompagner dans des endroits assez improbables. Supermarché. J'ai entendu des histoires. Dentistes. On nous écoute chez les dentistes. On nous écoute des fois même. Un gros big up. Dans des. Tu vois la plus petite pièce de ta maison. Oui. Une fois. C'est ta chambre. Non. Toujours est-il que j'ai un auditeur qui m'a avoué, confié se recueillir dans la plus petite pièce de sa maison en écoutant Tortolière Batak. Si ça, c'est pas. Ça relâche. C'est pour ça, c'est une émission qui relâche et l'émission qui fait du bien. L'émission laxative. Voilà. Voilà, on va vous nettoyer de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il est con ce type. Très bonne. Yeah, con ce type, yeah. Bon, alors ça y est, vous les avez trouvés, nos petits remix. Bon, bah, pour faire simple, Monty Alexander, le premier, c'était une reprise de Bob Marley. Le morceau, c'était. Could you be loved? Could you be loved? Ah, je me souviens. Could you be loved? Ami couillu! Parce que, bah, dans la plus petite pièce de la maison, ils sont couillus. Eh oui, exactement. Et, deuxième morceau, Boston Beam, aka, le crew The Bombist, qui reprenait donc, Super Freak. Voilà. She's a very kinky girl. Voilà. Tu fais très bien. C'était quoi le redeem déjà? Movie redeem. Movie redeem. Enfin, c'est donc, voilà. Ils l'ont calé sur le movie redeem, en fait. Ah. Ce qui donne un remix. Voilà. C'est okay. donc là, on va toucher à la fin de cette émission. Oui, oui. Mais exactement. Là, on fait une espèce de roue, en fait. On passe de la parenthèse remix, reprise, à on reprend le truc à l'envers, on prend l'original. Et l'original, on l'a découvert comment? Parce qu'il a été repris. On connaît le remix, on va vers l'original. Voilà, non, nous, on est de la génération Internet années 80. Première nouvelle. Première nouvelle, que ce morceau a été repris il y a peu de temps par un groupe qui s'appelle Kids. Voilà. Et le morceau s'appelle Stand of the World. C'est pas ce morceau qu'on va vous passer. Non, bah parce que c'est un classique. Il est au centre d'une polémique, ce morceau. Ah oui, alors, mais quelle est la polémique autour de ce morceau Kids, la polémique, Stand of the World? Stand on the World, elle, yes, est à propos d'une forte ressemblance avec un titre de Justice. Ouais. Qui s'appelait Dance, souvenez-vous, il y a 3-4 ans. Mais la polémique est morte dans l'œuf. Exactement, puisqu'en fait, personne n'a la réponse, on ne sait pas. Voilà, ça, c'est, voilà. Ouais, on l'a reconnu, c'est bon, ça suffit. Voilà. C'est ce petit morceau de piano là. Voilà, Stand of the World, je le dis bien. Le remix, il a été remixé par Kids, donc même stratégie. On met un petit peu de musique électro, le refrain avec les enfants, blablabli, blablabla, ça ressemble méga fort au studio, au morceau Dance de Justice, exactement. On a même été jusqu'à trouver sur internet que Kid, ce serait peut-être Justice. Voilà, alors là c'est Baliverne et conneries. Là, c'est une remorque de conneries. Là c'est tire larigot. Là c'est une monstre bêtise, hein, si je peux me permettre. Façon. Et toujours est-il que. Et le morceau, le remix de Kids d'ailleurs, je l'ai entendu il y a pas très longtemps dans le film. Film Police. Voilà, film Police. C'est le moment où Joey Starr danse. Ouais, Maïwenn. C'est le moment où Joey Starr danse sur la piste de danse de manière effrénée. C'est ce morceau-là, voilà. Voilà, ça c'est le morceau Kids. Mais nous on vous passe pas ça. Et parce qu'on n'est pas comme ça. L'original, c'est signé The Joubert Singers. The Joubert Singers. Ça date plutôt de 1985, donc c'était pas encore l'époque d'internet, pas trop. Pas encore. C'était plutôt vinyle même. Je sais pas si le CD était déjà arrivé. La cassette, oui, cassette, la cassette, oui. La cassette était déjà bien calée. Voilà, donc mais je pense que. Voilà, ça fait un peu New York et tout, c'est pas cool si on dit cassette. Je pense que c'est en vinyle, tu vois. Tu dis New York, cool. Je dis New York. Tu as raison parce que. Ça vient de New York. Oui, ça vient de New York. Et en fait, vous allez entendre les chœurs qui sont des chœurs de gospel. Ils ont été enregistrés directement dans une église de New York. Oui, tout à fait. En 1982, soit 3 ans avant la diffusion de ce morceau. Oui, c'est un peu le Bronx, mais voilà, on comprend pas trop. Elle est belle. Mais voilà. D'ailleurs, c'est quoi la forme de Manhattan là que t'as, le Rockefeller là. Quoi, la forme de Manhattan, c'est-à-dire quoi? Je vois un Rockefeller qui se dessine sous ta ceinture. Sous ma ceinture, d'accord. Non, mais c'est ce que j'ai rentré ma chemise. Ah, oui. J'ai pas l'habitude, donc ça fait une petite bosse en dessous. Mais non, attends, si je la sors, voilà. Ma chemise, c'est le boss. C'est bon. Bravo. Bon, bah voilà, je crois qu'on l'a bien introduit, franchement, en parlant de petite bosse. Tout le monde trépigne d'impatience. Je pense que voilà, moi je sais même plus de quel morceau on parle, mais enfin bref, c'est le classique Stand de la semaine. On the World. On se termine là-dessus, vous allez voir, c'est super bien. Vous, comme vous pouvez chausser vos petits mocassins, vos petites chaussures. C'est parti, vous pouvez danser un petit peu. C'est super cool. Allez, go! Une émission un petit peu plus courte que d'habitude, voilà, tranquille, ça laisse plus de place aux autres. Pas tant que ça. Normal. Ciao! Allez, ciao! Allez, ciao! Bonne semaine à tous, on se rejoint mardi prochain. Restez connectés, c'est le 105.4. Tchao!